Salut à tous, vous êtes dans Plus que du métal. Et ben le nouveau Trivium, hein, The Phalanx. Bah ouais, ça dépote bien, hein. Écoute. Donc nous sommes donc le lundi 11 octobre. Hâte de se retrouver ensemble. Quelques nouveautés internationales, nationales et locales d'ailleurs, hein, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et bah par contre, on va continuer dans l'international avec le tout nouveau titre You Can Run Away de Emigrate. Eh bien, on y va. Hein. Emigrate, You Can't Run Away. Mistakes Et donc voilà le dernier Emigwate, You Can't Run Away. Donc Emigwate, je vous rappelle, qui fait partie donc du groupe de Rammstein. Là, c'est du métal, mais c'est pas du métal. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Non, c'est du métal, c'est pas du métal. On va écouter de la techno. La techno, donc le groupe Techro, qui a repris, vous savez que c'est les 30 ans, oui, c'est les 30 ans de l'album Nevermind de Nirvana, ainsi que le Black Album, qu'on reviendra un peu plus tard. Lithium, sublime chanson, donc reprise en techno. Oh, ça va peut-être pas plaire à certains, mais pourquoi pas, hein ? Allez, on écoute. I'm so happy, 'cause today I found my friends. They're in my head. I'm so that's okay, 'cause so are you. Broke our mirrors Sunday mornings, every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in a daze, 'cause I found God. J'espère que ça vous a plu. Faut essayer dans la vie, faut essayer. Allez, les sorties CD. Qu'est-ce qui va sortir au mois d'octobre ? Le 15 octobre, Tom Morello sort son album The Atlas Underground Fire. Le 22-10, Cradle of Filth revient avec Existence is Futile. Cradle of Filth. On va écouter un petit morceau. Je regarde, la souris ne marche pas. Oui, donc voilà. Donc Cradle of Filth, on va écouter. On écoutera donc un morceau Necromantic Fantasies. Le 22 octobre, toujours Dream Theater ressort Few from the Top of the World. Le 29, le retour de Mastodon Hushed and Grim. Whitechapel sort aussi un nouvel album avec Keane, les Bad Wolves, bon c'est un peu plus rock, avec Dear Monster, Running Wild, Blood, c'est leur nouvelle galette, et le 5 novembre, les Bullet for My Valentine ressortent aussi un nouvel album. Vous voyez, c'est un peu, ça y va en ce moment, hein, et il me semble aussi qu'au mois de novembre, fin novembre, ça va dépoter. Deux nouveautés, donc Cradle of Filth avec Necromantic Fantasies, et on enchaînera direct avec le tout nouveau, le Ghost Hunters Moons, et ça y est, ils reviennent aux affaires, et ben c'est des bonnes nouvelles, on y va. It's a hunter's moon. Qui vont bien là, et puis je vous dis, ça va encore sortir. L'album du mois, et ben c'est le dernier Alien Weaponry, deuxième opus des néo-zélandais d'Alien Weaponry qui s'appelle donc Tangaroo. Formation donc ayant le vent en poupe fortement actuellement. Du thrash metal fougueux, des influences à l'ancienne, un gros son metal, de nu metal. Bref, ce deuxième album reste fidèle au style metal maori du premier, avec notamment des fortes sonorités tribales. Forcément, on pense un petit peu donc aux roots de Sepultura. Oh, là, je cherche mes mots, c'est quand même assez incroyable, hein. Atu Patu va être le titre que nous allons écouter de cet album. Ça déménage. Bien côté tribal de la chose, vraiment bien, vraiment bien. Allez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, un petit préambule avec Techro qui avait repris du Nirvana Lithium en techno. On est aussi dans les 30 ans du Black Album. Le Black Album, vous savez, 4 CD ont été ressortis d'artistes qui ont donc répété le Black Album. On avait écouté The U la semaine dernière, ou non, le mois dernier, pardon. Aujourd'hui, on va, c'est la journée presque Ghost, finalement, écouter le Enter Sandman de Ghost, une très très très belle version qui mérite vraiment le détour. On l'écoute de suite. Say your prayers, little one, don't forget my son. To include everyone, I'll tuck you in, one within, keep you free from sin till the Sandman he comes. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight, exit light. Take my hand, we're off to Never Never Land. Something's wrong, shut the light. Heavy thoughts tonight in the Art of Snow White. Dreams of war, dreams of liars, dreams of dragons. Fire in a place that would fight. Hey, sleep with one. if I die before I wake. I pray the Lord my soul to take. I pray the Lord my soul to take. Hush, little baby, don't say a word. And never mind that noise you heard. It's just the beast under your bed, in your closet. This past year, have you missed live music? So if you know this song, sing it. If you don't, don't. If you think I'm a douchebag, that's cool too. All I know is I've been trying to make sure that my kids and my from Empath is called Spirits Will Collide. Remain. donc on a enchaîné, comme vous avez pu le voir, avec le dernier Devin Townsend. Bah, vous savez que je suis assez friand de ce qu'il fait. En plus, il sort 2-3 CD par an, c'est un fou, quoi. Les événements du mois. Allez, ne boudons pas notre plaisir. Le 17 octobre, c'est-à-dire dimanche prochain, la bourse aux disques revient à l'autre canal. Enfin. Ça faisait un petit moment quand même. Hein. Donc le 17 octobre, toujours concert gratuit. Et là, on va y revenir. Au Grian à Colmar. Towards the Throne Hit plus Deficiency. Ce sont des groupes... du coin. On va écouter Towards the Throne tout à l'heure, juste après d'ailleurs. Hein, ce sera même pas tout à l'heure, ce sera juste après. Le 16. Ah bah, il y a même au site bar à Algrange, il y a Obscure. Et le 23, Regarde les hommes tombés plus Hangman's Chair à l'autre canal. Deux groupes très très doués et qui passent donc à Nancy. Hellgate et Torment qui sont déjà venus dans l'autre dans plus que du métal se présenteront à l'entracte de Saint-Dié. On va écouter deux groupes, Towards the Throne avec Oppose, j'en ai parlé tout à l'heure, sur ils ont sorti leur disque sur Metalist Production qui est donc leur premier disque. Donc il faut les encourager, et un petit groupe qui sort un EP et qui va sortir un autre album, c'est Stenga avec Above Inhumanity. On va enchaîner les deux, mais on commence déjà par Towards the Throne. C'est parti. Voilà, donc Stenga Above Inimaditi, album à venir prochainement. Beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses au final se passent dans notre région, puisque nous allons aussi écouter le dernier Fractal Universe, Clockwork Work Exception, groupe messin qui prend de l'ampleur également, hein, il faut pas se le cacher non plus, c'est toujours très très bien. Et donc nous nous quitterons là-dessus, puisque nous nous retrouverons bien sûr le lundi 8 novembre pour un nouveau Plus que du métal, mais en attendant Fractal Universe. Allez, ciao ciao! Hey!